deuxième temps de notre série sur l'enseignement de l'histoire en France dans la Fabrique de l'Histoire. Aujourd'hui, le documentaire. Hier, nous avons pu écouter trois professeurs d'histoire évoquer pour nous les expériences et projets innovants qu'ils ont développés en classe et dont le feuilleton de Séverine Yatar, la Fabrique de l'Histoire scolaire, s'est fait l'écho pendant presque un an et demi dans la Fabrique de l'Histoire. Aujourd'hui, dans le documentaire, c'est d'une expérience également novatrice menée à Stein avec des élèves de 3e dont il sera question jusqu'à 10h. Cette classe du collège Joliot-Curie à Stein a concouru et a été remarquée lors du concours national de la résistance et de la déportation dont le thème était cette année la négation de l'homme dans l'univers concentrationnaire nazi. Une odyssée pédagogique sur l'univers concentrationnaire, c'est le documentaire signé Séverine Yatar et Marie-Laure Ciboulet avec Amaury Pierre, Pierre Chepeloff, Ludovic Lavigne, Fabien Pontanier, Johan Recoul, Edith Rosier-Robin et les anciens élèves de 3e du collège Joliot-Curie de Stein. Je m'appelle Marois, j'ai 15 ans. J'étais au collège Joliot-Curie de Stein et j'ai participé au concours de la résistance et de la déportation, CNRD. Et je sais pas comment commencer. Pour ce concours, on est parti en Allemagne, on a fait plein de sorties, on est parti au Mont Valérien, on est parti au musée de la Shoah, on est parti à Buchenwald en Allemagne, on est parti à Struthof, un camp de concentration pas loin de Strasbourg. On a fait deux concerts. On a rencontré trois déportés, Fernand Deveau, Michel Agnel et Bertrand Hertz. Et on a aussi été aux archives municipales de Stein et aux archives nationales à Pierrefitte. Les archives de la préfecture de Paris aussi, on est passé visiter. On a fait beaucoup d'activités avec les déportés également. On a rendu notre résultat du concours sous une forme de mal pédagogique. Ouais, je sais pas quoi dire après. Une odyssée pédagogique sur l'univers concentrationnaire. En fait, on est sorti du milieu scolaire pour aller vraiment voir c'était quoi les camps. Parce qu'on en parle souvent dans les livres, on nous montre des images, mais on ne savait vraiment pas ce que c'était. Du coup, on est parti les voir en vrai de nous-mêmes et on a pu apprendre. On est parti visiter beaucoup de musées et ça nous a beaucoup apporté. Chaque année, le Concours national de la résistance et de la déportation propose aux collégiens et aux lycéens de France de présenter un travail scientifique et pédagogique sur un thème relevant de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Cet après-midi, les anciens élèves de 3e du collège Joliot-Curie de Stein viennent expliquer et transmettre aux nouveaux 3e, ainsi qu'à des élèves du primaire, ce projet foisonnant et multiforme réalisé dans le cadre du concours tout au long de l'année dernière. Projet encadré par Amaury Pierre, enseignant d'éducation musicale, et Fabien Pontanier, professeur d'histoire-géographie. Finalement, il y a deux sens à cette odyssée. Il y a une odyssée pédagogique, avec une démarche un peu multiscalaire et vraiment une démarche géographique ou plutôt géohistorique, avec la volonté aussi de s'ancrer dans une réalité locale. Voilà, parce que donc j'enseigne à Stein dans un établissement donc classé en REP+. C'est un thème qui est difficile. Le thème du CNRD 2017 était complexe, la négation de l'homme dans l'univers concentrationnaire nazi. Et c'est vrai que quand on a découvert le thème en 2016, donc pour l'année 2017, je me suis demandé par quel bout j'allais démarrer finalement l'étude de ce sujet avec mes élèves. C'était vraiment très complexe. Et vraiment, la première idée qui m'est venue, c'est de démarrer par le local et ensuite de s'inscrire dans un parcours de déportation pour comprendre ce processus. Donc l'odyssée dans ce sens-là aussi. Et puis, ce terme d'odyssée est venu également avec la découverte de témoignages, notamment donc d'un témoin, des poèmes écrits par Léon Leloir, voilà, qui a été déporté à Buchenwald. Et on a consulté le tapuscrit qui est conservé aux archives nationales. Et il y a une très nette influence grecque, antique, dans ses écrits. Voilà, il était traducteur de grec, très influencé dans ses compositions par les Aèdes, et toutes ces références antiques, hein, ces auteurs classiques. Il les traduisait d'ailleurs. Donc voilà, on s'est vraiment mis aussi dans ses pas pour comprendre cette odyssée, ce parcours de concentration et de déportation. Le point de départ du projet qu'il a fait, conduit vraiment avec les élèves proprement dit, tout à fait au début de l'année, c'était d'aller par la biographie d'habitants stanois, en fait, de gens qui ont vécu dans le même lieu que les élèves, en fait. D'aller chercher leur histoire et d'aller tirer les fils de cette histoire et d'élargir de plus en plus. Ludovic Lavigne, musicologue et professeur relais aux Archives nationales. Effectivement, les documents des Archives nationales que nous avons consultés sont venus plutôt dans un second temps pour en quelque sorte éclairer tout ce parcours d'enquête que dans un premier temps les élèves avaient conduit, notamment aux Archives municipales de Stein et aux Archives de la préfecture de police de Paris. Donc dans des séances très très régulières. Je pense que les enfants allaient au moins une fois par semaine dans un centre d'archives, avec au fur et à mesure des maladresses de chercheurs qui s'estompent. Donc on voyait le travail et la construction du savoir se faire. Ça, c'était assez passionnant. Heureusement, je connaissais un ancien enseignant de Saint-Denis qui, depuis une dizaine d'années, travaille sur la question de la résistance et de la déportation à Stein. Cette personne s'appelle Gérard Larue, hein, celui, cet historien amateur que je remercie réellement et qui a rassemblé des milliers de documents d'archives. Donc je le connaissais déjà en amont, donc voilà, j'ai pris contact avec lui rapidement et je lui ai demandé quel finalement résistant déporté de Stein pouvait être intéressant dans le sens où on aurait des documents sur eux qui puissent être étudiés avec des élèves. Puisqu'il fallait un peu de matière, évidemment, pour pouvoir avancer sur ces différents résistants déportés. Et donc, on a assez rapidement, en lien avec les archives municipales de la ville, fait une petite liste de 5-6 déportés sur lesquels on pouvait rassembler une dizaine de documents à chaque fois. Et à partir de ces documents, en fait, à partir de ces déportés, on s'est remis dans leur pas sur leur engagement dans la résistance, sur le contexte historique également, qui est pareil, assez complexe pour les élèves, donc il a fallu déconstruire cette période. Et puis finalement, le problème, c'est que les déportés de Stein n'ont pas témoigné. Gérard Larue, hein, sa belle-mère qui a été déportée, il n'a jamais entendu sa belle-mère parler de sa déportation. Donc elle a été déportée à Ravensbrück. Et lorsqu'elle est revenue ensuite à la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle est au conseil municipal de la ville, mais elle n'a jamais témoigné de sa déportation. Et on n'a aucun Stanois qui a témoigné, publié, écrit, interviewé, rien. Donc il a fallu trouver d'autres documents pour comprendre ce qu'était la déportation sur place dans les camps. Et c'est pour ça qu'on est allé vers d'autres fonds, les fonds des archives de la préfecture de police de Paris, les fonds des archives nationales, bien sûr, qui sont juste à côté, puisqu'on a la chance, étant à Stein, d'avoir le nouveau bâtiment des archives nationales qui s'est ouvert à Pierrefitte-sur-Seine en 2013. Devaux Fernand Alphonse Albert, né le 3 janvier 1922 à Guingamp, Côte du Nord, de feu Delphin et de Sebois Marie-Louise, de nationalité française et de race aryenne, est célibataire. Il habite chez sa mère, domiciliée depuis 1933, 30 boulevard Marcel Samba, à Saint-Denis, loyer annuel de 1200 francs. Membre des Jeunesses communistes, Devaux a continué à militer en faveur de la Troisième Internationale, après la dissolution de ce groupement. Il a été arrêté le 2 septembre 1940 par les services du commissariat de police de la circonscription de Saint-Denis pour avoir distribué des tracts communistes. J'ai aussi un peu la chance de travailler aux Archives nationales comme professeur relais. Oui, c'est ça, oui. Donc j'avais un peu cet avantage. Et donc oui, alors le problème de ces fonds aux Archives nationales, c'est qu'ils sont, il y en a une quantité invraisemblable, enfin, c'est une richesse incroyable, mais il faut savoir par quel bout commencer. Donc on a simplement, on est parti des camps dans lesquels les déportés de Stein ont été déportés. C'est-à-dire l'essentiel des Stanois déportés ont été déportés à Buchenwald, comme déportés politiques, puisque c'était des communistes. Donc on s'est intéressé à ce camp de Buchenwald assez rapidement. Donc la belle-mère de Gérard, René Riet, a été déportée à Ravensbrück. Donc on a épluché les fonds sur Ravensbrück, sur Buchenwald, sur Auschwitz également, puisqu'on a un déporté de Stein qui a été déporté dans le convoi des 45 000. Donc on a consulté ces fonds sur Auschwitz et on a eu la chance de rencontrer un témoin qui a survécu, Fernand Devaux. donc ce fameux convoi des politiques à Auschwitz. Donc ça a été ensuite la chance de pouvoir organiser cette rencontre avec Monsieur Deveau aux Archives nationales, puisque en même temps qu'il y avait un travail sur documents d'archives, il y avait de notre côté, l'équipe éducative, pédagogique, avait aussi la volonté, bien sûr, de confronter les élèves avec des témoins, des survivants, pour matérialiser un peu les histoires transmises dans ces documents d'archives. Aux archives de la police judiciaire, Deveau a le dossier numéro E307-276 relatif à son arrestation. Incarcéré à la prison de la Santé, il a été par la suite interné au centre de séjour surveillé d'un cours, SEO, par arrêté de Monsieur le préfet de police en date du 9 novembre 1940 et transféré au centre de Rouillé, Vienne, le 6 septembre 1941. Jusqu'à la date de son arrestation, il n'avait pas attiré l'attention de nos services. La libération de Deveau ne semble pas opportune actuellement. L'idée dès le départ, c'était aussi de leur montrer finalement comment s'écrit l'histoire, comment elle se construit. Finalement, ils se sont habitués à un format d'enseignement de l'histoire qui est en classe, entre quatre murs, où on peut faire quelques sorties pédagogiques, mais là, ce qui était intéressant, c'était de les confronter à des originaux, des documents d'archives, et de leur montrer que l'histoire, la grande histoire qu'on enseigne ensuite dans les manuels, qui est résumée, synthétisée, ça démarre par des témoignages, des documents d'archives, des interviews, des microfilms, qu'il faut éplucher, qu'il faut relire, qu'il faut comparer, il faut avoir une lecture critique sur ces documents. Et ensuite, mis bout à bout l'ensemble de ces éléments qui va permettre de dégager des thèmes plus généraux et avoir des idées un peu plus précises. Nous arrivons à la gare de Brundel dans la nuit du 5 au 6 août. Bertrand Hers raconte ses souvenirs du camp de Buchenwald aux élèves de 3e du collège Joliot-Curie. Je suis mon père. Moi, je suis descendu avec les hommes. Et à ce moment-là, c'est la réception. La réception, vous êtes avec vos valises et vos trucs, harassés par le voyage, absolument hébétés, harassés. On vous force à courir, et entre deux rangées de SS, avec le fouet, avec la hématraque, les chiens, vous arrivez dans le camp, et alors là, c'est la transformation en bagnard. C'est quoi la transformation en bagnard ? À poil. C'est la première contact avec ce qu'on appelle la déshumanisation. Alors, poursuite de votre cheminement avec votre classe, hein, Fabien Pontanier. Donc après, bon, il y a toutes les séquences autour des archives. Et puis, vous avez pris contact aussi avec l'association française Buchenwald Dora Commando. À la fois parce que cette association a des archives, mais aussi parce qu'il y a des témoins aussi. Donc les élèves vont être confrontés à des anciens déportés. Donc en feuilletant les fonds donc des archives nationales sur Buchenwald, en faisant un peu de recherche, on est tombé assez rapidement donc avec mon collègue Monsieur Pierre sur cette association française Buchenwald Dora et Commando de Montreuil. Donc l'association, donc on prend contact avec eux, on leur explique le projet. Ils sont évidemment ravis de nous accueillir, donc l'association est à Montreuil. C'est une association qui reçoit très peu de public, malheureusement, qui est assez peu connue, des groupes classes en fait. Donc pour eux, c'était évidemment vraiment intéressant et important de valoriser leur fonds, puisqu'ils ont un fonds d'archives qui est très intéressant. J'ai appris à découvrir ce camp, qui est un camp extrêmement intéressant d'un point de vue historiographique aussi, hein, sur la résistance à l'intérieur des camps de concentration, avec la présence des communistes, Marcel Paul, avec Dassault également, hein, qui était présent là-bas. Enfin, il y a eu des figures vraiment... vraiment importantes. Et donc ce Le Loir aussi qui était présent, puisqu'on va le retrouver assez rapidement sur les documents de l'association. Le père Léon Le Loir, père blanc, oui, Léon Le Loir, un père blanc, donc, qui était aumônier du maquis des Ardennes belge, qui va revenir avec le deuxième convoi par avion donc au Bourget, lors de la libération du camp, le 11 avril 1945. Et donc cette association, rapidement, va nous ouvrir les bras, réellement, mettre à disposition l'ensemble des fonds qu'il possède. Et avant de nous mettre en contact avec donc Bertrand Hertz, puisqu'on a rapidement parlé donc d'un témoin survivant, Bertrand Hertz, qui a été déporté à l'âge de 14 ans à Buchenwald avec son père. Voilà, il a fallu évidemment, avant d'arriver à cette rencontre, et à la préparation, même l'éventualité finalement d'une rencontre avec Bertrand Hertz, montrer, le sérieux. Le poids, finalement, la historique, historiographique, le sérieux de la démarche qu'on entreprenait. Je me revois dans le bloc du petit camp où j'ai été interné avec mon père, le fameux bloc 61 des malades, parce qu'il y avait tous les gens qui étaient malades, les vieux, dont mon père qui avait plus de 60 ans, le jeune qui était à Bourg-en-Val, parce qu'il n'y avait pas d'enfants pratiquement dans le camp, je devais être un des seuls qui était là, par hasard. Et je me rappelle simplement rencontrant un de mes camarades qui était dans le bloc, je ne sais pas s'il était malade ou pas, il avait peut-être 30 ans, il me regarde, il me dit « T'as quel âge ?»« 14 ans ?»« Ah oui !» Je me mets à rigoler. « C'est toi le grand ennemi d'Hitler ?» Un jour, ce devait être en hiver, on était dans le camp, mon père m'a dit « Bertrand, il était encore en vie, évidemment mon père, il est mort qu'au bout de 5 mois et demi, voilà un poulet vert, tu le prends, je l'ai chargé comme du tabac. » Bon, donc il y avait on troquait dans les camps un peu. Et voilà, donc j'ai eu un poulet vert grâce à mon père. Et ce qui prouve que c'était vraiment mon papa et que je me préoccupais beaucoup plus de moi, c'est normal pour un enfant, que de mon père. Je n'ai jamais demandé, et toi papa, t'as un poulet ? Pas demandé. C'est un moment qui est essentiel, ces rencontres avec les témoins, puisque travailler sur documents d'archives, c'est évidemment extrêmement important pour, on l'a dit, pour tout ce qui est construction d'histoire, une étude historique et scientifique de l'histoire. Mais matérialiser ensuite les informations transmises sur des documents qui sont souvent des témoignages en fait de rescapés qui ont été archivés, ça a une valeur. Enfin, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour les élèves. Hein, dès le départ, c'était quelque chose qui était fondamental. Déjà, imaginez qu'il y ait pu avoir des survivants par rapport à tout ce qu'on pouvait lire, puisque finalement, semaine par semaine, je leur faisais un petit corpus documentaire d'extraits de textes, de Primo Levi, de Rousset, etc., ou de documents d'archives, que je répartissais donc en différents groupes. Il y avait donc 18 élèves dans le groupe, et donc je les organisais par différents groupes, et je leur distribuais quelques corpus documentaires qu'ils devaient feuilleter, ils devaient ensuite rédiger quelques questions dessus. Et voilà, il y avait des sortes de tours de table comme ça qui fonctionnaient, où on échangeait un petit peu leurs impressions sur ces textes. Et puis bon, de toute façon, on se voyait régulièrement dans la semaine pour nos heures de cours. Donc s'il y avait des choses qui étaient un peu, des informations qui étaient difficiles à lire, puisque c'est des témoignages qui sont évidemment difficiles à aborder, on pouvait en parler, on en parlait régulièrement. Et donc oui, on a rapidement donc organisé ces rencontres. Donc ce sont des personnes évidemment âgées. Donc là, on avait prévu la rencontre avec Monsieur Deveau qui est tombé, donc qui a eu lieu aux Archives nationales le 27 janvier, 2017. Donc c'est tombé le jour même de la libération du camp d'Auschwitz. Et ensuite, on a eu la chance en effet de rencontrer Monsieur Hertz, qui est dans l'association Bourgogne-Valdora et Commando, qui a été déporté à Bourgogne-Valde, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Pullover de Bourgogne-Valde, qui est un souvenir de sa période de déportation. Et on l'a rencontré, donc fin février, on l'a rencontré juste avant de partir en Allemagne. On m'a dit un jour, un camarade qui était le fils du professeur Albax, dont parle d'ailleurs Georges Samprin, et qui était un résistant, et il m'a dit un jour, est-ce que tu veux faire partie de ma chorale ? J'ai dit pourquoi pas, et nous nous installions dans les latrines du petit camp, alors que les gens fonctionnaient, excusez-moi le terme fonctionnait, devant les tranchées, les deux tranchées qu'il y avait. Nous dans un coin, pourquoi cet endroit-là ? Parce que les latrines du petit camp à Bourg-en-Valde étaient un endroit où on attrapait toutes les maladies possibles. Qui sentait mauvais, ça puait épouvantablement, ça, c'était sale comme tout évidemment. Hein. Bon, et les SS évidemment n'y venaient jamais, Nous, moi, ce n'est pas de la résistance que j'ai fait, sinon de la résistance culturelle. Et donc, j'ai fait partie de cette chorale. C'est là que j'ai appris le chant des marais. On chantait donc dans notre coin pendant que les gens fonctionnaient sur leur fosse. Là, Et alors parallèlement, on n'en a pas encore parlé, Fabien Pontanier, il y a la question de la musique qui vient s'insérer à quel moment dans le projet? Parce que déjà Buchenwald, elle est présente puisque les enfants vont chanter sur place, notamment le chant des marais. À quel moment voilà, vous décidez aussi avec Ludovic Lavigne, qui est aussi professeur relais musicologue aux Archives nationales, d'insérer cette problématique de la musique dans les camps? Alors le collègue avec qui je travaille au collège est professeur d'éducation musicale. Donc, Amaury Pierre, voilà. Ce qui est intéressant, cette relation finalement entre les deux disciplines, c'est que c'est un projet qui est donc Concours national de la résistance et la déportation, qui est un projet d'histoire, en tout cas comme ça qu'on le conçoit au départ, peut-être de manière un peu stéréotypée. Et finalement, on est parti au départ sur une démarche historique. On était dans ce parcours géo-historique, avec une approche donc avec mon collègue en éducation musicale, qui était une approche un peu connexe ou complémentaire. Et c'était pas quelque chose qui était satisfaisant. Parce qu'on se rendait compte que les témoignages étaient intéressants. Bien sûr, enfin, ils amenaient du vécu. Mais finalement, on retrouvait régulièrement dans les documents d'archives ou dans les témoignages qu'on pouvait visionner aussi. Il y a énormément de témoignages qui ont été enregistrés. Donc, on a pu consulter avec les élèves pour préparer les rencontres avec les trois témoins qu'on a rencontrés ensuite. On se rendait compte qu'il y avait une place de la musique dans les témoignages des déportés qui était importante. Et avec donc Ludovic aux Archives nationales et Amaury Pierre, donc mon collègue du collège, on a rapidement commencé à se rendre compte qu'il y avait une histoire plus sensible à défricher avec cette musique dans les camps, et que la musique dans les camps avait justement été aussi représentative de cet aspect complètement ubuesque des camps de concentration, avec des orchestres qui étaient dans des tenues parfois complètement clownesques, des couleurs très vives, qui jouaient une musique parfois militaire ou joyeuse, alors qu'on avait des bagnards qui partaient travailler dans des conditions terribles. Voilà, il y avait ce côté protéiforme joué par la musique dans les camps, qui était aussi parfois joué le dimanche dans certains camps, où c'était des moments de survie, quoi. Cette question de la musique est arrivée tellement spontanément après. Ludovic Lavigne. Si vous voulez, dans les documents, dans le document du Père de Loire, quand dans les poèmes, il évoque le souvenir de la maison, du cercle familial, et que la musique arrive immédiatement. Pour les textes de Germaine Tillon, on sait ce qu'elle a produit pendant la déportation. Enfin, on voit, par exemple, dans de très nombreux dessins que les enfants ont vus, notamment l'association Buchenwald-Dora, la musique est absolument omniprésente, parce que c'est un moment de communion. Et c'est un outil d'oppression. Donc la musique, elle devenait un objet vraiment, pour la question de la déshumanisation, elle est un moyen vraiment idéal presque de lecture, parce qu'elle est un moyen, on peut torturer par la musique, hein, vraiment, on peut faire mal aux gens. Avec donc mon collègue Amaury Pierre, on a décidé donc de travailler avec les élèves assez rapidement sur ces chansons, notamment le chant des marais, que je connaissais assez peu, et que bon, les élèves évidemment ne connaissaient pas, donc on a travaillé un petit peu sur ces fonds, parce que Bertrand Hertz l'a pris dans les latrines du petit camp de Buchenwald, et donc il y avait à la fois l'idée de faire chanter les élèves sur des chants, joués, interprétés dans les camps de concentration, comme le chant des marais, et puis il y avait l'idée de créer une œuvre originale, alors quelque chose entre l'opéra, l'opérette, sur les œuvres de Leloire, donc ces poèmes en alexandrin, tous, 4000 vers, qui ont été non pas rédigés, qui ont été en tout cas mis à l'écrit au retour de Leloire, retour de sa déportation en 1945. Donc Ludovic Lavigne et Johan Recoul donc connaissaient Pierre Chepeloff, avaient travaillé avec lui déjà. Donc Pierre Chepeloff, compositeur, musicien également, interprète. Donc les Archives nationales ont fait une commande donc à Pierre Chepeloff pour qu'il puisse créer une œuvre originale à partir de ses fonds. Pierre Chepeloff, c'est une des raisons pour lesquelles nous avions pensé qu'il était la bonne personne pour ce projet. Il a une grosse expérience de chef-de-cœur. Et donc, il a su d'abord mettre les enfants en confiance, il a su les diriger et il a su les entendre. Donc, il a su rapidement de quoi il serait capable et qu'est-ce qui les mettrait relativement à l'aise, quel type d'émotion, quel type de commentaires il pouvait mettre dans l'œuvre. De commentaires musicaux, bien sûr, ils pouvaient mettre dans l'œuvre. Mais les enfants, il les a préparés vraiment, enfin, je très régulièrement, et puis moi j'ai trouvé d'une façon tout à fait remarquable musicalement. Il a été plus un musicien, ça c'est intéressant, c'est-à-dire que la façon dont il les a préparés était plus artistique que pédagogique, mais ça a été extrêmement efficace d'un point de vue pédagogique. Pierre Chepeloff, vous avez amené un livre avec vous. C'est quoi ? C'est un des exemplaires d'époque de 1945 de « Je reviens de l'enfer » de Léon Leloir, à partir duquel j'ai composé la pièce qui a été créée dans ce cadre-là. Dans le cadre donc, de ce concours avec le Collège de Stein et puis avec des musiciens professionnels ou semi-professionnels en tous les cas. C'est Ludovic Lavigne qui vous contacte, donc des Archives Nationales ? C'est Johan Recoul et Ludovic Lavigne qui me parlent tout d'abord de ce projet. Et en effet, Ludovic Lavigne me parle de ce livre que je me hâte de me procurer. Livre qui n'est plus réédité depuis 70 ans, mais qu'on peut trouver relativement facilement. Et du coup, je me plonge dedans, dans cette œuvre, donc un livre de poche assez épais, de 150 pages, tout en alexandrin, qui nous plonge directement dans ce qui se passe quand on est résistant et qu'on vient d'être arrêté. Puis ce qui se passe quand on est emmené en transport vers l'Est. Et c'est très fort. C'est un texte très puissant qui demande quelque temps à lire pour y survivre aussi. Et après, on est parti dans le projet, dans la mise en musique. Vous lisez le Père Leloir, mais comment vous documentez ? On en reparlera, mais vous êtes aussi allé à Buchenwald, vous, avec les élèves du collège. Oui, alors le sujet de la Seconde Guerre mondiale et de la déportation est un sujet qui m'a toujours interpellé. J'ai déjà lu pas mal de choses sur le sujet. Il y a 2 ans, j'étais, parce que je passais par là, je dirais presque, j'avais profité d'un passage en Alsace pour aller au Struthof avant qu'on me parle de ce projet. Et oui, en effet, j'ai eu cette chance au printemps dernier d'accompagner les élèves du projet là-bas. Je pense, pour ceux qui n'ont pas fait ce type de voyage, il faut au moins une fois dans sa vie, à mon avis, faire un voyage dans un de ces lieux-là pour bien vraiment sortir de, et notamment vis-à-vis des jeunes générations qui sont souvent dans le théorique, dans le livre, dans une expérience pas forcément vécue concrètement. Là-bas, c'est du concret. C'est vraiment quelque chose où on peut pas échapper aux choses. Il y a des gens depuis plusieurs décennies qui mettent en doute, qui disent c'est pas tout à fait, ah, mais c'est pas si grave, ou qui parle de points de détail ou ce genre de choses. Et je pense qu'il faut y aller, et quand on y va, ce genre de discours tombe de même. Et donc vous, alors, c'était la première rencontre avec les élèves, Pierre Chepeloff ou... Là-bas, oui, en effet, oui, je les ai pas vus avant, oui, en effet. Le contact humain avec eux, le fait de voir qui ils sont, leur état d'esprit, était, je pense, aussi précieux pour pouvoir écrire pour eux, tant dans la composition que dans l'ensemble du projet, puisque j'ai réalisé certains arrangements dans ce cadre-là. Et le fait de les rencontrer, de les accompagner, on a pris le car, il y a eu un aspect humain un peu anecdotique, mais aussi pittoresque, était aussi le fait de faire l'aventure avec eux. Et ça, je pense que humainement, c'était assez fort aussi. Un projet musical comme ça, c'est aussi une aventure humaine, en dehors même du sujet qui est le nôtre là, mais c'est une aventure humaine, et donc c'est précieux d'avoir plusieurs moments pour le vivre avec les enfants. Cet interminable voyage doit durer un certain nombre de jours. 4, 5, 6 jours peut-être. Le seul récipient destiné à nos besoins est bien vite insuffisant et l'atmosphère devient alors impossible. Nous voilà pêle-mêle, les uns sur les autres. Cela devient un véritable cauchemar. Un enfer effrayant. Quelque chose d'indescriptible. D'affolant pour certains. Ce ne sont bientôt que des gémissements. Cris. Au secours. De l'air. Je n'en peux plus. J'étouffe. Je m'en vais. Je n'ai finalement plus aucun sens de l'orientation dans ce wagon, pourtant si petit. Sur place, à Buchenwald, on a fait beaucoup de travail par petits groupes. Chaque groupe, en fait, travaillait en partie sur les données musicales. On avait un groupe qui travaillait sur la musique, un groupe qui travaillait sur les fonds d'archives, donc les fonds du mémorial de Buchenwald, avec des documents originaux qu'on a trouvés sur place, sur le Loir, sur des portées de Stein aussi, qu'on n'avait pas en notre possession. D'autres qui étaient chargés, là, de réaliser des séquences vidéo pour notre institution. On avait un petit groupe aussi qui était chargé de faire des poteries, puisqu'on a travaillé aussi sur l'approche artistique de ce phénomène concentrationnaire. Donc les élèves ont pu s'exprimer à travers des créations artistiques sur la déportation, c'est-à-dire ce qu'ils ressentaient sur place. Donc ils ont fait un petit atelier de poterie qui était proposé par le mémorial, par Joachim Koenig, donc qui nous a accueillis sur place. Et donc chaque groupe en fait tournait et faisait ses différentes activités. Et Pierre accompagnait les élèves, il leur a fait répéter donc le chant des marais. Et il s'est imprégné de cet univers de Buchenwald, qui est encore extrêmement marquant aujourd'hui. Hein, la situation du lieu encore aujourd'hui est quelque chose de fascinant, cette ouverture quand on arrive dans le camp, l'entrée. Avec, on a une vue complètement dégagée, c'est sur une petite colline en fait, et on a une vue dégagée ensuite sur la vallée, et voilà, il y a une ouverture, hein, sur une sorte d'ouverture vers la liberté, avec une place d'appel extrêmement grande, ouverte à tous les vents. Donc on y allait en fin mars, donc il faisait un froid terrible, et on pense évidemment à ces déportés qui devaient attendre parfois plusieurs dizaines d'heures pour les appels. Enfin, il y a quelque chose de très... très très beau et très dur dans ce paysage. Toujours très ambigu. Enfin, c'est toujours cette question de l'ambiguïté. Voilà, c'est comme la musique, c'est comme voilà, l'ubuesque, ce que vous dites. Exactement, l'ubuesque. Oui, ouais, complètement. On comprend complètement le sens du ubuesque, qui est pas péjoratif. C'est quelque chose qui est, quand on le comprend de cette manière, qui prend tout son sens. Il y avait un zoo hein, à Buchenwald avec il y avait un ours. Hein, on voyait encore le rocher où il y avait l'ours. Voilà, le commandant du camp hein, qui se plaint de la manière dont les ours ou les animaux sont traités par les déportés. Avec des animaux qui sont évidemment mieux traités que les déportés eux-mêmes, quoi. C'était un site qui devait permettre aussi des activités un peu récréatives pour les soldats. Il y a beaucoup de paradoxes, évidemment, mais c'est ce qui fait que c'était intéressant à étudier. C'est un souvenir incroyable, puisque nous avons là-bas, avec une douzaine d'adolescentes, travaillé ce champ des marais. Pierre Chepeloff. Là où nous étions logés, c'est-à-dire dans un des anciens bâtiments SS, des casernements où nous avons dormi. Et ensuite, nous sommes descendus vers le camp et nous avons en fait traversé l'énorme place d'appel en chantant le chant jusqu'aux latrines, où on a encore chanté quelques instants sur place. Et c'est vrai que ça, c'est un souvenir incroyable. C'est-à-dire, les pierres parlent là-bas. Le lieu nous dit plein de choses. Quand on se baisse entre deux pierres, on trouve des objets partout qui sont les restes de la vie du camp. Donc on est dedans, d'une certaine manière. Et c'est vrai que le fait d'avoir amené ces jeunes filles qui découvraient, avec aussi l'enthousiasme juvénile, une chanson nouvelle, c'est curieux de parler d'enthousiasme dans ce contexte-là. Mais c'est vrai aussi. Donc une forme d'enthousiasme pour la découverte des choses... Et en même temps, une forme de communion, que dire d'autre, avec cette histoire si compliquée, si dure, si loin de la leur au quotidien. Et ça, ça reste un souvenir d'une émotion très très forte. Et je dirais que, en effet, rien que pour ça, ça valait la peine. Marie. Évidemment, chant qui était interdit. Chant qui était complètement interdit. Pourquoi on l'a mis à notre programme de concert? Pour une raison très simple. En interviewant un ancien déporté qui s'appelait Bertrand Hers, il nous a expliqué qu'il avait chanté ce chant. Et où est-ce qu'il a chanté ce chant, les filles? Mais c'est quoi les latrines? Et les latrines de quoi? Non. Non. De Buchenwald. Ce chant des marais, on se retrouve dans une petite salle de musique du collège Joliot-Curie avec ses adolescentes qui avaient déjà été préparées par Amaury Pierre. Donc je retrouve ces adolescentes qui connaissent le texte. Johan Recoul, chef d'orchestre et directeur musical du concert. Qui sont prêtes vraiment à aller au maximum. Donc moi je suis au piano et je répète avec elles. Et puis l'idée évidemment était de faire une gradation. On en avait parlé avec Pierre Chepeloff pour l'arrangement. Et en l'occurrence, l'orchestration va être de plus en plus... ample et prend un peu au trip. Donc là, pour l'instant, moi, je suis juste au piano, je les fais répéter, on travaille, je leur parle du sens, j'essaye de les éveiller, de les faire sortir. Et puis, on enchaîne une fois en entier. Première strophe, deuxième strophe, j'ai 8 mesures au milieu de piano pendant lesquelles je peux dire que je commence à parler fort pour la première fois, pour les exhorter un petit peu. Arrive la deuxième strophe, ça se passe bien, et entre la deuxième et la troisième, là, je dois carrément dire que je gueule par-dessus le piano, en leur disant « Allez-y !» et je dis « Debout !» Et là, toutes les filles se lèvent et il y a un truc mais extraordinaire qui se passe. Elles étaient dedans à 100%. Ça, vraiment, hein, c'était un moment fort pour moi et quand ça s'est terminé, elles étaient heureuses. Elles n'en revenaient pas. Elles n'avaient jamais vécu un truc comme ça. C'était beaucoup plus intéressant de prendre des enfants qui, en quelque sorte, n'ont pas d'attache particulière. Enfin, c'était pas des classes à horaire aménagé musique, par exemple, ou c'était pas des enfants qui faisaient un cursus dans un conservatoire. Non, c'est des enfants qui arrivaient avec une certaine virginité, en fait, vis-à-vis de la musique. C'était ça qui était beaucoup plus intéressant. Alors, ils ont tous leur rapport à la musique, hein. Ça, c'était une des choses que nous avons abordées à Burenwald. Quel est le rapport de chacun à la musique? C'est des enfants qui arrivent avec une fraîcheur et qui découvrent en faisant. C'est beaucoup plus passionnant. Et le résultat, alors, qu'elles ont obtenu, parce qu'il y avait plus de filles que de garçons, hein, était d'autant plus méritoire que, effectivement, c'est vraiment une conquête et la construction d'un savoir. L'idée était, à la base, dans ce qui m'a été demandé à moi, de construire un programme musical qui s'inscrive dans cette thématique du CNRD, du Concours National de la Résistance et de la Déportation, la déshumanisation dans l'univers concentrationnaire nazi, et d'inclure ce travail avec les collégiennes dans un programme, disons, sérieux. Nous avons commencé par un extrait de la 9e de Beethoven. Mais si on l'a commencé, c'est très précisément parce que c'était une pièce qui a été jouée par les officiers en détention, que c'est une pièce à la forte symbolique humaniste, qu'elle est d'un compositeur allemand, Beethoven, et qu'elle a été jouée par des Français en détention en Allemagne. C'est pour ça qu'on commençait par là, avec une petite mise en scène. Et que tout le monde connaît. Voilà. C'était un petit peu l'idée. Sinon, autour de ça, donc le programme comprenait donc des extraits du Furfugmar de Tillon, Kaiser von Atlantis de Ullmann. On a aussi joué une pièce de musique klezmer. On a joué une pièce de jazz yiddish, chantée en yiddish par Esther Labourdette. Il y avait des extraits de quatuor à cordes, de Brahms, de Beethoven. Il y avait des pièces de Émile Gouet. Et pour finir sur le programme, Pierre Chepeloff a écrit une œuvre qui permettait d'intégrer aussi les adolescentes, d'intégrer notre thématique. Sur la préparation des concerts qui se sont tenus donc à l'occasion de la journée nationale de la résistance et de la déportation à la fin du mois de mai. Et donc nous avions deux dates, l'une aux Archives nationales et l'autre à la mairie du 4e arrondissement à Paris, qui nous a très gentiment accueillis. Et donc il fallait préparer ce concert et le monter. Et là, c'était un temps, une autre intensité, un autre type d'intensité, mais enfin c'était quand même aussi... très fort, avec des enfants qui n'ont pas l'expérience de chanter sur scène, de se mettre en avant, enfin, ou qui, ça nage, où c'est difficile de prendre la parole sur un plateau et de proclamer quelque chose. C'était une expérience très forte qui s'est conclue donc à la mairie du 4e arrondissement, avec, pendant le chant des marais, le public debout, une émotion absolument incroyable, et des enfants qui, au lieu d'être absorbés par l'émotion, vont chercher une force encore plus grande et puis voilà, ce livre totalement, c'était très très fort. Fabien Pontanier, parallèlement à tout ce travail musical et ses concerts, vous concevez, avec les élèves, une malle pédagogique, pensée donc comme un outil de transmission des savoirs sur la déportation, et qui correspond en fait aux démarches et aux travaux que vous avez menés avec vos élèves. Il s'agit de votre restitution pour le concours, et donc vous déposez cette malle pédagogique fin mars. Au départ, on avait une idée donc avec les élèves qui était... Et donc mon collègue Amaury Pierre, on avait l'idée de faire une exposition, finalement un travail assez classique. Itinérante. Oui, alors oui, on avait l'idée d'itinérante toujours, l'idée d'itinérance, puisque ce qu'on souhaitait quand même, c'est que ça puisse être prêté. Donc on avait des partenaires qui souhaitaient récupérer les panneaux qu'on allait présenter. Donc l'idée de panneaux à présenter comme une exposition itinérante a été dès le départ envisagée. Sauf que on a accueilli, c'était en novembre je crois de mémoire, novembre ou décembre, on a accueilli une exposition au collège de dessins d'un déporté qui s'appelle Thomas Geve. Il était vraiment très très jeune quand il arrivait à Auschwitz et ensuite à Buchenwald. Et à la libération du camp, donc il survit, il va faire une cinquantaine de dessins pour raconter son vécu. Ce sont des dessins d'enfants. Et donc on a travaillé avec les élèves sur cette exposition qui était proposée par l'association Buchenwald Dora et Commando, donc on a accueilli au collège. Et on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas du tout. Il y a le côté un peu austère des panneaux. C'est réalisable s'il y a un travail de présentation qui est fait avec, évidemment, l'enseignant, une équipe de médiation culturelle. Ou voilà. Mais seuls les élèves ne se l'approprient pas. Et finalement, comme on est aussi, nous, on était dans une transmission un peu ludique avec les élèves, on s'est retrouvé du coup à construire 5 panneaux donc, différents, d'un format A0, donc ça fait 80 cm sur 1 mètre à peu près, qu'on a imprimé sur un format de bâche, pour que ça puisse être justement souple et que ça puisse être prêté le plus possible. Avec panneau 1, donc mémoire de déporté. Panneau 1, mémoire de déporté. Panneau 2, donc sur la déshumanisation. Le panneau 3, sur les territoires concentrationnaires et la manière dont on vit dans ces camps. Un panneau 4 sur l'enfance, qui était important, notamment autour de le personnage de Bertrand Hertz, puisqu'il était déporté à 14 ans sur place, l'âge des élèves. Et un panneau 5 sur la musique, qui nous ouvrait donc sur les concerts ensuite. Et évidemment, le panneau 5 était sur le Loir également et sur la musicalité. Et donc, sur chaque panneau, on avait même format, même construction, en tout cas dans la forme, une partie d'informations transmises, des panneaux qui transmettent des connaissances. Et pour s'approprier ces panneaux, chaque panneau donc, est accompagné, chaque poster est accompagné de 2-3 activités pédagogiques, avec des niveaux de difficultés différents. Et les élèves devaient justement progresser dans ces niveaux de difficultés qui étaient prévus à la fois pour le CM2 et pour le collège. Et l'idée, c'est que les collégiens accompagnaient les élèves de CM2 dans l'appréhension et la maîtrise de ces activités pédagogiques. Alors maintenant, on va le remettre un petit peu vers vous. Du coup, vous pouvez bien voir. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Ouais, voilà, très bien. Vas-y, je te laisse faire. Je crois que ça même pas, ça veut dire quoi évoquer ? Ça veut dire quoi ? Ça vous fait penser à quoi ? Voilà. En fait, quand tu vois ça, tu penses à quoi ? Les anciens élèves de 3e animent des ateliers pédagogiques à l'intention des petits. Et toi, Sabrina, donc ça vous fait penser à quoi les filles ? En fait, tu vois quoi dans la... Des soldats. Quoi ? Des soldats. Sous les soldats. Tu penses vraiment que c'est des soldats ? Non. Qu'est-ce qui te fait penser que c'est pas des soldats ? Un soldat, normalement, ça a quoi ? Des armes. Voilà. Oui, un bouclier ou des armes. Est-ce que là, les garçons, enfin, les humains qui sont là, ils ont des armes ? Non. Ils sont quoi ? Bah, ils ont rien. Est-ce qu'ils sont tous habillés de la même manière ? Oui. Ça veut dire c'est des quoi ? Prisonniers. Voilà. Et ici, lui, du coup, est-ce qu'il est habillé de la même manière que les autres ? Non. À votre avis, c'est qui ? C'est le garde. Oui, le garde. Oui, très bien. Ce premier panneau de présentation un peu du projet d'introduction qui nous entraîne dans une démarche un peu géohistorique et multiscalaire d'Eustin à Buchenwald. Ce panneau, en fait, on l'a accompagné de 3 activités distinctes, avec à chaque fois une gradation dans la complexité de celle-ci. C'est-à-dire qu'au départ, on a proposé un travail sur 5 déportés d'Eustin. On a rassemblé quelques documents d'archives sur chacun d'entre eux. La première activité, c'était de compléter un petit tableau pour identifier chaque document. C'est-à-dire d'où est-ce qu'il provient, et une activité très simple de présentation du document. Voilà. Et ensuite, à partir d'une lecture de ces documents d'archives, donc deuxième activité, ils devaient identifier des éléments d'identité de ces déportés. Donc sur leur couleur de cheveux, sur leur adresse, sur évidemment nom, prénom. Donc ce qui permettait de réfléchir aussi sur la question de l'identité, qui était essentielle pour nous dès le premier panneau, puisque le thème du concours c'était la négation de l'homme. Et dès le départ, on a souhaité redonner de l'identité à ces déportés. Et l'identité, on l'a redonnée en faisant réaliser par les élèves des petites cartes d'identité. Voilà, c'est-à-dire qu'ils avaient un fond cartonné, qui était donc un fond d'une carte d'identité de 1944. Et les élèves devaient, à partir de la lecture des documents d'archives, retrouver les bonnes informations pour les scratcher, enfin les replacer, hein, parce qu'il y avait un jeu de... Amovible. Hein, oui, c'est, oui, c'est ça, c'était amovible, pour ensuite les replacer sur le fond de la carte d'identité. Voilà, et donc reconstituer ces cartes d'identité sur les 5 déportés de Stein. Ça, c'était donc la deuxième activité. Et troisième activité, c'était un fond de carte qu'on avait fait. C'était un fond de carte qui était imprimé sur un papier aimanté. Et en fait, il devait, pour chaque déporté, refaire son parcours avec des petits aimants. Et il replaçait donc les différentes étapes de sa déportation, en fait. Et ça, donc, Fabien Pontanier, alors voilà, ça, c'était dans le premier panneau. Après, il y a un deuxième panneau sur la déshumanisation. Et là, je crois que vous avez travaillé comme, pas une sorte de mémoire, mais une association d'images, de représentations des camps, dessinées, oui, avec des textes. Mais des textes de déportés, d'auteurs. Et ce mémoire, l'idée, c'était d'associer des thèmes de l'univers concentrationnaire, qui correspond par exemple à des étapes, comme le trajet dans ces wagons à bestiaux. Donc, à chaque thème, comme ce trajet dans les wagons à bestiaux, on avait une petite citation d'un auteur qu'on avait étudié en classe avec les élèves. Et ensuite, les élèves devaient associer donc ce thème avec une illustration. Et ensuite, il y avait un petit travail d'observation en dessous de la carte du memory. Il y avait une ou deux questions qui permettaient aux élèves justement aussi de réfléchir à la fois sur ce qu'ils avaient lu et sur ce qu'ils voyaient. Notre objectif, c'était toujours aussi d'amener de la réflexion. Et c'est ce qu'on voulait faire aussi, amener du débat et amener de l'interaction. Tu peux nous lire le texte qui représente l'image? Des cages rectangulaires à 3 étages de moins de 2 mètres de long, 1,50 m de large et 1,5 m de haut servaient de couchettes aux détenus. 5 ou 6 hommes couchaient dans chacune de ces niches. Il était impossible de se tourner. Il fallait donc essayer de dormir sans changer de position. Après l'appel du soir, les 800 occupants du bloc essayaient de se caser au milieu du plus bel encombrement qui puisse être. Plusieurs nuits, je fus obligée de dormir dans l'allée centrale. Il y avait toujours une centaine de camarades qui passaient la nuit couchés à même plancher. Il a été écrit par qui ? Paul Bonnit. Il a été écrit où ? Buchenwald. Après l'ère du témoin. Il faut, faut vraiment imaginer la restitution. On dépose ça à la DSDEN à Bobigny. Hein. On a déposé avec mon collègue 29 kilos, une malle en métal, une grande malle noire, hein, qu'on a achetée dans un magasin de bricolage. Puisque les posters faisaient du format zéro, il nous fallait quelque chose d'assez grand. Donc une malle noire d'un mètre de large, à peu près 30-35 cm de profondeur. Et puis en hauteur, 30-35 cm également. Donc ça faisait vraiment un pavé très lourd à porter. Donc les panneaux étaient enroulés. Comme c'était des bâches, facilement, on les avait mis dedans. Et en fait, on avait, à l'intérieur, quand on ouvrait la malle, il faut imaginer un ensemble de boîtes, des boîtes en plastique intransparente. Donc, il y avait des petites étiquettes dessus. Il y avait une boîte par panneau. Donc, il y avait une première boîte, panneau 1. Et à l'intérieur, on ouvrait cette boîte et on trouvait les trois activités pédagogiques proposées. Idem pour le panneau 2, idem pour le panneau 3, etc. La particularité du panneau 3, c'est que c'était les poteries qu'on avait réalisées au mémorial de Buchenwald. Donc une boîte un peu plus grande. Enfin voilà, donc il y avait ce jeu sur ces formes de boîtes. Et c'est vrai qu'en ouvrant, alors pour nous c'était évidemment plus simple, on comprenait ce qu'on avait produit, mais on avait cette appréhension que le jury ne prenne pas possession de ce qu'on avait transmis. Mais je pense ce qui avait peut-être pas été prévu aussi par peut-être d'autres groupes, c'était la question de la transmission. Pour nous c'est important, on est dans un concours pédagogique, mais ce qu'on souhaitait c'était que ça reste pas au stade simplement du concours, mais qu'on puisse se transmettre toujours à d'autres élèves et que ça puisse ensuite circuler et être prêté. Ce travail a été récompensé par un prix spécial du Concours national de la résistance, du jury national, par le prix, je dis bien un prix et pas une mention, passeur d'histoire. Édith Rosier-Robin, secrétaire général de l'association française Buchenwald, Dora et Commando. C'est une très belle récompense pour ces élèves. Je précise qu'ils sont en réseau REP+, donc ce sont des élèves qui, au départ, comme on dit, défavorisés. Ils démontrent de la plus belle des façons, par ce projet abouti et récompensé à juste titre, donc des compétences, de la capacité, de l'envie et du désir que ces élèves ont de bien faire et de réussir en confortique qu'on leur donne, comme là, en l'occurrence, tous les moyens possibles. Ce qui nous intéressait également dans le projet de M. Pontanier, c'est cet aspect global qui était proposé. C'est-à-dire, c'est tout un parcours qui est mis en place, créé pour les élèves. Et donc, ça ne se limite pas à un simple rendu final au CNRD sur un seul thème. C'était axé également sur des visites. Ils sont allés à Buchenwald. Ils ont travaillé sur les archives. Il y a eu des déportés qui sont venus témoigner. Et au final, il y avait un projet également de musique. Ce projet, donc, va se poursuivre cette année. Cette année, on est parti sur la préparation de ces concerts pédagogiques, sur la mise en situation concrète de la malle, puisque c'est bien d'avoir fait, mais maintenant, il faut voir si elle fonctionne et il faut l'essayer. Et on est concrètement là, sur ce qu'on avait prévu l'an dernier, puisqu'on travaille avec une classe donc, de CE1, CM2, qui est dans notre réseau d'éducation prioritaire. On travaille avec un groupe de 3e, donc du collège, et on est dans cette rencontre hebdomadaire entre les élèves de 3e, les élèves de CE1, CM2. On n'avait pas prévu les CE, hein. Ça rajoute encore un niveau, mais c'est pareil, c'est fascinant. Travailler avec des CE1 vraiment sur, là, c'est pas du tout à leur programme, mais c'est vraiment, vraiment fascinant. Et puis les élèves de seconde, qu'on fait revenir qui également, reviennent. Qui vont chanter cette année, donc un chœur d'une quarantaine d'élèves qui interprétera ces chants, et ce sera donc à partir d'avril 2018. Alors, comme vous l'avez dit, on va se répartir en trois groupes. L'idée, c'est qu'on fasse donc une partie histoire, ensuite une partie, des activités qui sont quand même centrées très histoire, ensuite qu'on fasse un atelier histoire-musique et qu'après on termine sur vraiment de la musique. Merci à Pierre Chepeloff, Ludovic Lavigne, Amaury Pierre, Fabien Pontanier, Johan Recoul et Edith Rosier-Robin. Un grand merci également aux anciens élèves de 3e du collège Joliot-Curie de Stain. Archives sonores, extraites des vidéos réalisées dans le cadre de ce projet. Prise de son, Yves Lehors et Yvan Turc. Mixage, Olivier Dupré. Une odyssée pédagogique sur l'univers concentrationnaire, un documentaire de Séverine Liattard, réalisé par Marie-Laure Ciboulet. Voilà pour ce documentaire que vous pouvez réécouter sur le site de France Culture, franceculture.fr, comme toutes les autres émissions de La Fabrique de l'Histoire, ainsi que le feuilleton La Fabrique de l'Histoire scolaire et les 51 épisodes qui ont été rassemblés par Séverine Liattard. Vous pouvez évidemment les écouter ou les télécharger sur la page spéciale, donc La Fabrique de l'Histoire scolaire, sur le site de France Culture. Demain, nous continuons à parler de ces expériences pédagogiques autour de l'histoire, aujourd'hui en France.